الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا في الجزء الثاني من مقدمة كتاب الأصول الثلاثة يقول المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc nous en étions toujours à la deuxième partie de l'introduction des trois bases, al-usul al-thalatha. Donc l'auteur nous dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane d'apprendre trois points et de les mettre en pratique. Le premier de ces points, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a donné notre subsistance et ne nous a pas délaissés. Au contraire, il a envoyé vers nous un messager, celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. La preuve à cela est le verset où Allah nous dit « Nous avons envoyé vers vous un messager témoin contre vous, comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. » Et Pharaon a désobéi à ce messager et nous l'avons alors saisi d'une manière violente. Le deuxième point est que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on lui associe quelque chose dans son adoration, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. La preuve à cela est le verset où Allah nous dit que les mosquées appartiennent à Allah, n'invoque donc personne avec Allah. Et le troisième point est que celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et unifie Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui est pas permis de prendre pour allié ceux qui combattent Allah et son messager, même si ces personnes sont des gens très proches. La preuve à cela est que Allah nous dit, le dernier verset de surat Al-Mujadala, vous ne trouverez pas un peuple croyant en Allah et au jour dernier aimer ceux qui combattent Allah et son prophète, même s'ils sont leurs pères, leurs enfants, ou bien leurs frères, ou bien des gens de leur tribu. C'est-à-dire ces gens-là, donc qui n'aiment pas les gens qui combattent Allah et son prophète, Allah a inscrit dans leur cœur la foi et les assiste avec une âme émanant de lui et les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ils sont le parti d'Allah et le parti d'Allah sont ceux qui obtiendront la victoire. المسألة الثالثة هي التي توقفنا عندها في نهاية الدرس الماضي وقلنا أن هذه المسألة تسمى بالولاء والبراء فالمسلم المؤمن يوالي من وحد الله تبارك وتعالى وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأحب دين الإسلام وأحب المسلمين وأحب القرآن وأحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي كل من يحارب هذه المسائل فمن حارب الله تبارك وتعالى وحارب النبي صلى الله عليه وسلم وحارب دين الإسلام وحارب القرآن وحارب منهج القرآن وعاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلم أن يعادي هؤلاء. وقلنا في من آخر ما تكلمنا عنه أن ما يسمى بالمودة هو أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تحب شيئا لا يعلم محبتك لهذا الشيء إلا الله تبارك وتعالى. قد تزعم أنك تحب شيئا وأنت في داخلك وفي قرارة نفسك تبغضه أشد البغض، وقد تزعم أنك تبغض شيئا وفي قرارة نفسك تحبه محبة شديدة. فالولاء والبراء أمر قلبي، وهناك ما يسمى بالمعاملة. فالمسلم يعني لا يحب من حد الله ورسوله، ولكن في الوقت نفسه يعامله معاملة حسنة ما لم يكن محاربا له. فإن كان محاربا له فيقول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما المعاملة فالمسلم مأمور بمعاملة الناس معاملة حسنة. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، الناس كلهم يعني بغض النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم، ولكن في قلبه الإنسان لا يحب من لا يحب الله، ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحب دين الإسلام. فعلى سبيل المثال الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر في عدة مواضع قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ثم قال الله تبارك وتعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء والمرسلين يعني حصل نزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم بسبب لا إله إلا الله. فمن أقر أن يقول لا إله إلا الله ويعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له يعني صار من زمرة المسلمين، وكانت المودة والمحبة بين صفوف هؤلاء. ومن يعني أبى ورفض أن ينطق بالشهادتين صار محاربا لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني قامت المعارك بينه وبين المشركين في زمانه صلى الله عليه وسلم لأجل إعلاء كلمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور أمر المسلمين أن يمتازوا عن غيرهم من الأديان الأخرى. ففي كثير من المواطن والمواضع تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يؤكد ويركز على مسألة المخالفة. فالمسلم دائما في عبادته يكون مخالفا لغيره من الأديان الأخرى. على سبيل المثال نهينا في الصلاة عن ما يسمى بالتخصر. ذكرنا في دروس الفقه أو دروس الحديث أن من مكروهات الصلاة ما يسمى بالتخصر، وهو أن يصلي المرء واضعا يدا أو اليدين على خاصرته، هذا من مكروهات الصلاة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أننا نهينا عن ذلك لأن اليهود كانت تفعل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يتشبهوا باليهود في صلاتهم. وكذلك بالنسبة للصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في ما يسمى بالسحور، هي الوجبة التي يتناولها الإنسان قبيل الفجر حتى يتقوى على عبادة الصيام. وهذه الأكلة التي تتناول في وقت السحر هي الفصل، يعني الفارق بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب. فأهل الكتاب كما تعلمون يصومون، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهم يصومون ونحن نصوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمتاز صيام المسلمين عن صيام غيرهم، فيقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فالمسلم مأمور بتأخير السحور وبتعجيل الفطور، فأهل الكتاب لا يتسحرون أصلا وكذلك يؤخرون الفطور، فالمسلم لمخالفته لهم يعجل الإفطار. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي رواية: الشق لأهل الكتاب. ما هو اللحد وما هو الشق؟ ها؟ شنو هو اللحد؟ ولكنها اللحد هو كما قال الأخ عندما نحفر القبر، نحفر يعني إلى جهة الأسفل ثم نحفر إلى جهة القبلة، نحفر إلى الأسفل ثم نحفر إلى جهة القبلة أينما كانت، من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم نضع الميت في هذه الحفرة الجانبية، هذا ما يسمى باللحد، مفهوم؟ هذا هو اللي يسمى باللحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق هو أن تحفر الأسفل وتضع الميت في أسفل الحفرة، فهذا كذلك جائز، ولكن الأفضل أن تحفر بطريقة اللحد، لتحفر إلى جهة الأسفل ثم تحفر إلى جهة القبلة، فتكون حفرة جانبية وتضع فيه الميت أو تضع فيها الميت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان دائما يحث المسلمين على مخالفة أهل الكتاب. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى في بداية الأمر كان يوافقهم حتى في القبلة، كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه وأمته أن يستقبلوا الكعبة. Donc le dernier point que nous avions cité dans le dernier cours, c'était donc ce que l'on appelle al-wala'u wal-bara, donc le fait d'aimer et détester pour Allah. Donc le musulman qui aime Allah, donc l'unifie, obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aime le Coran, aime l'islam, aime les musulmans, aime les compagnons, il ne peut aimer dans son cœur également ceux qui combattent toutes ces choses-là. Celui qui combat Allah, qui combat son messager, qui combat le Coran, qui combat l'islam, qui combat toutes les choses donc sacrées chez les musulmans. Donc ça c'est une chose que le musulman ne peut pas unifier dans son cœur. Même dans les choses d'ici-bas, donc on avait donné des exemples, lorsque tu aimes quelque chose, tu ne peux pas, par exemple le musulman aime ses parents. Est-ce que tu aimes les gens qui détestent tes parents? Tu ne les aimes pas. Et donc c'est pareil lorsque le musulman donc aime sa religion, aime Allah, aime son messager, aime donc toutes les choses sacrées de cette religion, il ne peut aimer dans son cœur ceux qui combattent toutes ces choses-là. Et nous avons dit également qu'il fallait que le musulman fasse la différence entre deux choses, ce que l'on appelle aimer et détester. Donc ça c'est une chose présente dans le cœur du croyant. Personne ne peut l'avoir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux dire moi j'aime telle ou telle chose alors qu'en réalité tu la détestes. Tu peux dire je déteste telle ou telle chose alors qu'en réalité tu l'aimes. Donc il y a ce que l'on appelle l'amour et la haine, et nous avons également ce qui s'appelle le comportement. Donc le musulman, il lui est ordonné donc d'avoir un bon comportement avec tous les musulmans, de n'être injuste avec personne, à part bien sûr si la personne est injuste avec nous. Donc on est injuste d'une même manière, d'une manière semblable. Allah nous dit فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Celui qui vous attaque, attaquez-le de la même manière qu'il vous a attaqué. Et sinon, de manière générale, le musulman, il lui est ordonné d'avoir toujours un comportement exemplaire. Allah nous dit لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. Allah ne vous interdit pas en ce qui concerne les gens qui ne vous ont pas combattu et ne vous ont pas expulsé de vos demeures, d'être bon et juste avec eux, car Allah aime les justes. Et Allah dit dans le Coran également وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens des bonnes paroles. Donc des gens, Allah n'a pas dit وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ حُسْنًا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ. Dites aux gens des bonnes paroles. Et même en ce qui concerne par exemple les parents, le musulman, il lui est ordonné d'avoir toujours un bon comportement avec eux, même si ces derniers leur donnent d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et s'il t'ordonne de m'associer quelque chose, ne leur obéis pas. Et ensuite il dit وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et malgré cela, sois bon avec eux ici-bas. Malgré cela, sois bon avec eux ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a toujours incité ses compagnons et sa communauté dans leurs adorations, de leur montrer que leur religion était une religion autonome, c'est-à-dire différente des autres religions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer aux musulmans que leur prière n'était pas semblable à la prière des autres religions. Le jeûne également, le pèlerinage également, également la manière d'enterrer les gens et dans de nombreux points. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait toujours d'aller à l'encontre de sur quoi étaient les gens des autres religions. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qu'il a déconseillé pendant la prière, ce que l'on appelle at-takhassur. At-takhassur, c'est le fait donc de prier en ayant les deux mains sur les hanches. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé cela? Aïcha radiallahu anha nous dit que c'est la manière dont priaient les juifs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a déconseillé à sa communauté de faire cela. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Également, Allah nous dit dans le Coran que le jeûne, al-siyam, nous a été imposé comme il a été imposé aux nations avant vous. Kutiba alaykum al-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que le jeûne des musulmans soit différent du jeûne des autres religions. Il nous dit fasluma bayna siyamina wa siyami al-kitab akalatus sahar. La différence qu'il y a entre, nos, entre notre jeûne et celui des gens du livre, c'est as-sahur, c'est-à-dire la collation que le musulman prend avant l'aube. Le musulman, en plus que cela l'aide à, donc, à prendre des forces pour affronter la journée de jeûne, cela fait que le jeûne des musulmans se différencie du jeûne des gens du livre. Également, en ce qui concerne la rupture du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La yazal uddinu zahiran ma'ajjal al-nasu al-fitr fa'inna al-yahuda wal-nasara yu'akhirun » Il nous dit que cette religion ne cessera d'être apparente tant que les gens romperont rapidement le jeûne. Car les juifs et les chrétiens, donc, retardent cela. Donc le musulman, il lui est conseillé donc de prendre as-sahur et également, lorsqu'il rompt le jeûne au moment du coucher de soleil, de ne pas attendre. Donc à partir du moment où al-mu'adhin commence al-adhan, il faut que le musulman se précipite de rompre son jeûne. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-lahdulana wa shiqqu li-ghaylina, rapporté par Abu Daoud. Et dans une version il dit wa shiqqu li-al-kitab. C'est-à-dire al-lahd, al-shiqq, c'est deux manières d'enterrer les gens. Nous avons al-lahd, c'est donc le fait d'enterrer, de creuser donc un trou pour enterrer un mort. Donc on creuse vers le bas. Puis on creuse un trou sur le côté en direction de la Qibla. La Qibla, en fonction d'où elle est, on creuse un trou sur le côté. Et ensuite on fait glisser le corps dans ce trou donc qu'on a creusé sur le côté. C'est ce que l'on appelle al-lahd. Et al-shiqq, c'est ce que l'on a, donc le fait de creuser vers le bas et de déposer le corps au fond du trou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-shiqq lana al-lahdulana wa shiqqu li-ghayrina. Donc dans une façon il dit que ça fait, c'est pour les gens du livre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc souvent il incitait les gens justement à se différencier de ce que l'on, de, donc de, des adorations des autres religions. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier après l'asr jusqu'au coucher du soleil et de prier après sobh jusqu'au lever du soleil. Car il nous dit qu'au moment du coucher et du lever du soleil, ceux qui adorent le soleil se prosternent devant lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit cela, de prier même pour Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, afin de ne pas donc ressembler à ceux qui se prosternent devant le soleil. Et là, c'est un autre sujet, c'est que tout ça, arfihi, c'est l'enfer qui est attisé à ce moment-là. En ce qui concerne le fait de ressembler aux associateurs, aux adorateurs du soleil, c'est au coucher et au lever du soleil. Pendant le pèlerinage, kadhalik an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana al-mushrikun fi jahiliyatihim yahujjun. Wa kanu la yaqifuna bi Arafa. Kanu la yaqifuna bi Arafa. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khalafahu wa waqafa bi Arafa. هم كانوا لا يقفون بعرفة لأنهم يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل وعرفة ليست من الحرم فكانوا يقفون بمزدلفة في اليوم التاسع والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم pendant le pèlerinage également le prophète صلى الله s'est mis sur le mont de Arafa alors que les associateurs avant les gens de la Mecque restaient fait le haram, donc il ne sortait pas de la région sacrée. Donc Arafa, Mina ça fait partie du haram, Muzdalifa ça fait partie du haram, mais Arafa ne fait pas partie du haram. Donc les gens de la Mecque ne voulaient pas sortir de cette région, donc ils restaient à Muzdalifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour aller donc, à l'encontre de cela, il s'est posté à Arafa le 9e jour. ثم يقول المؤلف رحمه الله اعلام ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عن الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا Donc la suite, l'auteur, il nous dit sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que al-Hanifiya, la religion de Ibrahim alayhi salam, est le fait d'adorer Allah seul en lui vouant un culte sincère ou bien dévoué. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné tous les gens à faire cela et il les a créés pour cela. Car Allah nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les démons et les hommes qu'afin qu'ils ne m'adorent. Et le sens de qu'ils ne m'adorent, qu'ils m'unifient. Et la plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné est التوحيد, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait donc d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et la plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala est interdit, ou bien est interdite, c'est al-shirk, l'association, et c'est le fait d'invoquer autre avec lui. Et la preuve à cela est le verset de surat An-Nisa où Allah dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an, adorer Allah et ne lui associer rien. هذا هو الجزء الثالث من المقدمة ثم بإذن الله تبارك وتعالى سندخل في الأصول الثلاثة. يقول اعلم أرشدك الله لطاعته. فكما سبق المؤلف رحمه الله دائما يدعو لقارئ كتبه بالخير وبالرحمة وبالمغفرة وبالتوفيق وبالسداد وبالإرشاد. فهنا يقول واعلم أرشدك الله لطاعته. معنى أرشدك الله وفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك. ومعنى الرشد الاستقامة على طريق الحق. وعندنا كلمة الهدى وضد الهدى الضلال. وعندنا كلمة الرشد ضده أو ضدها الغي. قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي. فالرشد هو الاستقامة على طريق الحق. ومر معنا ما معنى الطاعة. فالطاعة هو موافقة أمر الشارع بامتثال المأمور وترك المحظور. فإذا يقول أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية, الحنيفية كما تعلمون هي ملة إبراهيم عليه السلام, وهي عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والحنيفية مأخوذة من الحنف, والحنف هو الميل. فيقال لشخص أنه حنيف إذا كان يعني يميل في مشيه, لا يمشي بشكل مستقيم, يقال أنه حنيف. فالحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المتجهة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإخلاص له في العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم. قال الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته. كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته كلها. Donc l'auteur dit ensuite اعلم أرشدك الله لطاعته. sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Donc, comme on a dit à plusieurs reprises, l'auteur souvent, donc dans ses livres, dans ce même livre, à plusieurs reprises, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour le lecteur en disant Rahimakallah, en disant Ashrakallahu li ta'atihi. Donc il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour le lecteur afin de lier donc un lien entre l'auteur et le lecteur, afin que cela donc incite la personne à lire, et également qu'il y ait donc un amour entre donc le savant et son élève. Il dit donc qu'Allah te guide vers son obéissance. Ar-rushd, car il dit arshadakallah, veut dire le fait d'être droit sur le chemin de la vérité. Al-istiqamatu ala tariq al-haq. Donc nous avons dans la langue arabe des mots qui sont proches mais qui n'ont pas le même sens. Par exemple, nous avons ar-rushd et nous avons al-huda. Donc ar-rushd, c'est le fait d'être droit. Al-huda, c'est le fait d'être guidé. Donc ar-rushd, l'inverse de ar-rushd, c'est ce qu'on appelle al-ghay. Et l'inverse de al-huda, c'est al-dalal. Et donc il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers son obéissance. Il nous dit que al-hanifiyya, qui est la religion de Ibrahim alayhi salam, donc c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. On a dit dans le Coran que Ibrahim donc était hanif. Hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Al-hanifiyya, ça vient du mot hanif dans la langue arabe, qui veut dire le fait de al-ma'il, c'est-à-dire celui qui dévie. C'est-à-dire que cette religion donc s'écarte et s'éloigne de l'association. Al-ma'ilatu anish-shirk. Et elle se dirige vers al-tawhid, c'est-à-dire qu'il y a l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de suivre la religion de Ibrahim alayhi salam. Allah dit ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ensuite nous t'avons révélé de suivre la religion de Ibrahim, qui était donc hanif et ne faisait pas partie des associateurs. Donc le hanif, c'est celui donc qui est droit et attaché à l'islam et adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. العبادة هو معناها يعني أعم مما يتبادر إلى الذهن. الناس عندما يقال لهم العبادة أول ما يعني يبتدر بذهنهم الصلاة والصيام والحج، هذه المسائل ما ذكر الآن داخل في مسمى العبادة، ولكن العبادة شيء أعم من العبادات البدنية. فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال كالصلاة والصيام والأقوال الظاهرة والباطنة، حتى أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة والتوكل، هذه عبادات. وكذلك الذكر عندما تسبح، وكذلك عندما تدعو، وعندما تتلو كتاب الله، فهو داخل في العبادة، فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فيقول أن تعبد الله وحده، فكل عبادة تقوم بها لا بد أن تكون لله وحده لا شريك له، مخلصا له الدين. فالإخلاص هو أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى ورضاه، لا أمرا دنيويا. الإنسان إذا قام يصلي يقصد وجه الله تبارك وتعالى، إذا صام، إذا حج، إذا تصدق، إذا ذبح يوم العيد، إذا رفع يديه للدعاء، يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا هو الإخلاص. وهي ملة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام قال لقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فالعبادة كما عرفناها لا تنفع إلا مع الإخلاص، فكل عبادة لا يكون فيها الإخلاص لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. كل عبادة ليس فيها إخلاص لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. فلقبول العبادة شرطان: الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لم يكون خالصا لله تبارك وتعالى لا يقبل، وكذلك كل عبادة لم تكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل. فلابد من اجتماع وتوافر هذين الشرطين، فإذا تخلف شرط من هذين الشرطين ردت العبادة. فإذا صليت صلاة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قصدت غير الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، كأن مثلا أن تقصد مدح الناس، أو تقصد أن يذكرك الله، أن يذكرك الناس بخير، هذا يسمى بالرياء، فإن صلاتك لا تقبل. ولكن وكذلك لو قمت بعبادة لله تبارك وتعالى ولكن هذه العبادة لم تكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحدثت شيئا من عبادة من تلقاء نفسك، مثلا قمت فصليت مثلا صلاة سادسة، مثلا صلاة سادسة زائدة عن الصلوات الخمس، فإن هذه الصلاة لا تقبل لأنها على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صليتها لله تبارك وتعالى. فلا بد من اجتماع هذين الشرطين. بالنسبة للإخلاص، قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أحدا. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. دونك لا ريليجيون إبراهيم كي الحنيفية هي لو فيت دادوغي الله سبحانه وتعالى سول. L'adoration, ce que l'on appelle l'aïbada, lorsque les gens, on leur parle de aïbada, d'adoration, ils pensent tout de suite à la prière, au jeûne, au hajj, etc., etc. Ces choses-là rentrent dans l'adoration, mais l'adoration, donc, c'est plus vaste que cela. L'adoration, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée comme acte et comme parole, qu'elle soit apparente ou cachée. Zahiratan ou batina. Donc tout acte, toute parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qu'elle soit apparente ou cachée. Donc en ce qui concerne les actes apparents, comme la prière, le jeûne, le hajj, également sadaqa, les gens donc vous voient lorsque vous donnez une aumône. Donc ça, c'est des actes apparents, des actes faits avec les membres du corps. Et également des actes donc non apparents, comme les actes du cœur. La peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'espérer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des choses, les actes du cœur. Donc ça fait partie également de l'adoration. Il faut que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et également les paroles. Donc les paroles comme al-dhikr, tilawatul Qur'an, le fait de dire la ilaha illallah, le fait de dire subhanallah ou bien alhamdulillah, tout cela rentre également dans l'adoration. Donc l'adoration, il faut qu'elle soit pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc toute l'adoration, il nous dit mukhlisan lahu ad-din, avec sincérité. Donc c'est ce que l'on appelle al-ikhlas. Donc la preuve de l'importance de ce que l'on appelle ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce nom à une des sourates du Coran. La sourate ta'dilu thuluth al-Quran. Cette sourate correspond au tiers du Coran, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ikhlas, c'est le fait donc que lorsque l'homme donc accomplit un acte, ou bien une parole, ou bien une adoration, qu'il le fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans désirer toute autre chose, des biens de ce bas monde. Lorsque tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Lorsque tu es venu à la mosquée, tu es venu pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tu n'es pas venu à la mosquée parce que tu as rendez-vous avec quelqu'un. Non, tu es venu pour prier la prière en commun. Lorsque tu jeûnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu fais le pèlerinage, pareil. Et donc, l'ikhlas, c'est le sens de la ilaha illallah. Et c'est également la religion de Ibrahim alayhi salam. Allah nous dit que Ibrahim, il a dit à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez. إنني براء مما تعبدون وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني sauf celui qui m'a créé فإنه سيهدين sauf celui qui m'a créé car il va me guider وجعلها كلمة باقية. Et cette parole, il en a fait une parole ancrée donc dans les générations après lui, alayhi salam, وجعلها كلمة باقية في عقيبه لعلهم يرجعون, afin que les gens reviennent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de toutes les fausses adorations de son peuple et il leur a montré que l'adoration, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui la mérite seul. Donc Allah nous dit dans le Coran, dans surat Al-Bayyina, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a pourtant été demandé que de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, lui vouant un culte exclusif et d'accomplir la prière et de donner la zakat, et voilà la religion de la droiture. Et Allah dit également celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse des bonnes œuvres et n'associe à Allah subhanahu wa ta'ala rien dans son adoration. Alors comme on a dit, pour qu'une adoration soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux conditions. Il faut que ce soit fait avec sincérité et que ce soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si une de ces deux conditions n'est pas présente, l'acte n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais une adoration pour Allah, mais que tu fais une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais faite, ton adoration ne sera pas acceptée. Comme par exemple le compagnon qui avait sacrifié le mouton le jour de l'Aïd avant la prière. Il avait sacrifié avant la prière. Est-ce qu'on peut penser du compagnon radiallahu anhu qu'il a fait ça pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas fait les choses dans les règles de la sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, oui, vu que tu as fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui a dit, c'est bon. Non, il lui a dit, chatouka chatou lahmi. Il lui a dit, ton mouton n'est que de la viande. Ce n'est en aucun cas othiyat l'aïd. Ce n'est pas le sacrifice de l'aïd. Et il lui a ensuite dit, ifbar makanaha ukhra. Sacrifie un autre mouton à la place. C'est-à-dire après la prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui a montré que du fait qu'il a fait une chose en dehors de son temps, que cela n'était pas accepté, qu'il fallait qu'il resacrifie un autre mouton. Car donc la condition de la concordance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas présente. Également, si tu fais une chose en concordance avec la sunna, mais que tu ne l'as pas fait sincèrement, également cela ne sera pas accepté. Car Allah nous dit dans le hadith al-Qudsi, « Ana arna shuraka ya rishirk » C'est-à-dire « je suis au-dessus de tout ce qu'on m'associe. Celui qui accomplit une œuvre en m'y associant quelque chose, je le laisse lui et ce à quoi il m'a associé. » Cette adoration n'est pas acceptée. Donc si tu pries et pendant la prière par exemple tu embellis ta prière car tu sais que des gens t'observe, à ce moment-là, ta prière ne sera pas acceptée. Si tu jeûnes pour que les gens vantent tes mérites, si tu donnes une sadaqa pour que les gens disent que tu es généreux, tout ça ne sera pas accepté. Il faut que ces choses-là soient faites pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. ثم سنذكر يعني باختصار ثمرات الإخلاص فإن الإخلاص ثمرات كثيرة نذكر بعضها. الإخلاص سبب للنجاة من الذنوب والسيئات. فالله سبحانه وتعالى ينجي عبده المخلص من الذنوب والسيئات ويبعدها عنه إن كان مخلصا في عبادته. الله سبحانه وتعالى قص في كتابه قصة نبيه يوسف عليه السلام فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيوسف عليه السلام بسبب إخلاصه أبعد الله تبارك وتعالى عنه السوء والفحشاء التي كان قريبا منه يعني في القصة المعروفة التي ذكرت في سورة يوسف. وكذلك الإخلاص سبب للنجاة من الشيطان. عندما يعني أغوى الشيطان آدم عليه السلام وزوجته وأهبط آدم إلى الأرض ولعن إبليس، طلب من الله تبارك وتعالى أن يمهله فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعباد الله المخلصين والمخلصين ينجيهم الله تبارك وتعالى من مكايد الشيطان بسبب إخلاصه. وكذلك الإخلاص هو حق الله تبارك وتعالى الذي يقدمه الله تبارك وتعالى على سائر الحقوق. يقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, فقدم الإخلاص على طاعة الوالدين وعلى بر الوالدين. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك في حديث معاذ عندما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, يعني هو الإخلاص. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. Donc l'ikhlas, que l'on appelle la sincérité, donc le fait d'accomplir l'adoration pour Allah seul, possède donc des vertus. Parmi ces vertus, Allah subhanahu wa ta'ala, par notre sincérité, il nous éloigne des péchés. Donc si le musulman il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fera qu'il sera toujours éloigné des péchés et des erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a cité donc ce qui lui est arrivé avec l'épouse de l'Aziz, donc elle a essayé de l'attirer vers un très grand péché, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Yusuf alayhi salam soit éloigné de tout cela en entrant en prison. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء, c'est ainsi que nous éloignons de lui le mal et la turpitude. Et il nous dit la cause à cela إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, car il fait partie de nos serviteurs sincères. Il fait partie de nos serviteurs sincères. Donc le musulman, s'il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, Allah fera en sorte que toutes les erreurs et les péchés seront éloignés de lui. Également, l'ikhlas est une cause de secours contre Iblis, contre le diable. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, donc il nous a cité le récit où Iblis donc a tenté Adam alayhi salam et son épouse, et donc ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et que Adam donc s'est vu descendre vers sur terre, et que Iblis a été maudit et éjecté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Iblis malgré cela a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne donc un délai avant donc de le faire entrer en enfer, un délai pendant lequel il allait égarer la descendance de Adam alayhi salam. Donc Iblis il nous dit قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون, c'est-à-dire donne-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection. قال فإنك من المنظرين, Allah lui a donné ce délai الى يوم الوقت المعلوم, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين, il dit ensuite par ta grandeur je vais tous les égarer, c'est-à-dire la descendance de Adam, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, sauf tes serviteurs sincères. Iblis, donc malgré sa mécréance, il dit qu'il pourra donc égarer tous les serviteurs d'Allah sauf les serviteurs sincères. Donc la sincérité est une cause de secours contre eux, Iblis. Également la sincérité et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala que le musulman doit mettre toujours en avant. Le musulman ne doit en aucun cas faire passer le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala après le droit de quelqu'un, quel qu'il soit. On ne fait pas passer le droit des parents après le droit d'Allah. Il y a des gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala par obéissance à leurs parents. Oui. Allah nous dit fala tuti'huma. Et il nous dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Donc Allah nous dit de ne pas obéir aux parents lorsqu'ils donc ordonnent une désobéissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc lorsqu'une personne t'ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas le droit de lui obéir, même si c'est tes parents et donc les autres à plus forte raison. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran, il fait passer son droit avant le droit des autres créatures. Il nous dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Adorez Allah sans rien lui associer et soyez bon avec vos parents. En aucun cas il a dit soyez bon avec vos parents et ensuite adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le droit d'Allah passe avant le droit des parents. Également wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Donc dans le même sens, il nous dit Allah a décrété que vous ne devez rien, que vous devez l'adorer seul et d'être bon avec vos parents. Également Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne et le prophète lui a dit ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs et le droit des serviteurs envers Allah? Mu'ad lui a dit Allah et son messager savent mieux. Le prophète lui a dit le droit d'Allah envers ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs envers Allah est qu'il ne châtie pas celui qui adore Allah sans rien lui associer. Mu'adh, en entendant donc cette bonne nouvelle, a dit au prophète Ya Rasulallah, afala ubashir al-nas, ne dois-je pas donc informer les gens de cette bonne nouvelle, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtiera personne l'ayant adoré seul sans rien lui associer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit La tubashirhum fayattakilu. Ne leur fais pas cette nouvelle car ils risquent de ne plus œuvrer et de se contenter de cela. Thumma qala al-mu'allif وبذلك أمر الله جميع الناس وبذلك أمر جميع الناس. فالله سبحانه وتعالى أمر جميع الناس بعبادته وحده لا شريك له مخلصا له الدين. وكل نبي من الأنبياء أمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له وهو رسالة جميع الأنبياء عليهم السلام. فالأنبياء يعني رسالتهم واحدة, ما من نبي إلا قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ومن إله غيره. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء إخوة لعلات, دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالأنبياء دينهم واحد, ما من نبي إلا أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وإنما الذي يختلف من دين إلى آخر هم الشرائع مثلا كيفية الصلاة وكيفية الصوم وكيفية الصدقة إلى غير ذلك. Donc ensuite, il nous dit que c'est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tout le monde. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. Donc le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul en lui vouant un culte exclusif est la chose qu'Allah a ordonné à tous les hommes. Du fait que il n'y a pas un prophète qui a été envoyé, un messager, sans qu'il appelle son peuple à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc les prophètes, entre Adam et Nuh, il y a 10 siècles. Entre Adam et Nuh, il y a 10 siècles. Kulluha ala tawhid. Donc il n'y avait pas d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme Abdullah ibn Abbas nous dit. Ensuite, le premier cas d'association a eu lieu à l'époque de Nuh alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. رجال صالحين عندما ماتوا عكفوا على قبورهم، فجاءهم الشيطان فقال لهم صوروا لهم تماثيل، صوروا تماثيل على أشكال هؤلاء الرجال الصالحين. فعندما تنظرون إلى هذه التماثيل ستتذكرون يعني عبادتهم واجتهاداتهم، فتجتهدون مثلهم و يعني تتعبدون لله تبارك وتعالى. ففعلوا يعني نصبوا تماثيل على أشكال هؤلاء الرجال الصالحين. ثم مات هؤلاء الذين يعني نصبوا هذه التماثيل، ماتوا، فجاء جيل ثاني، فجاءهم الشيطان فقال لهم إن آباءكم كان يعبدون هذه التماثيل فعبدوها. هذه أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح. فنوح يعني أرسل إلى قومه حتى يرجعهم بإذن الله تبارك وتعالى إلى عبادة رب العالمين وحده لا شريك له إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمر أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. Donc tous les prophètes donc, ont été envoyés pour appeler les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Entre Adam et Nuh, il y a 10 siècles, donc tous, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc le premier cas d'association a eu lieu à l'époque de Nuh. Car donc il y avait des gens pieux à l'époque de Nuh. Donc c'est les noms cités dans Surat Nuh, Wad, Wala Suwa'a, Wala Yaghouth, Wala Ya'ouqa, Wala Nasra. Donc tous ces noms-là, c'est des noms de gens vertueux à l'époque de Nuh alayhi salam. Lorsque ces gens-là donc sont morts, Al-Shaytan leur est venu et leur a dit: pourquoi ne pas faire donc des statues à leur effigie, afin que lorsque vous verrez donc ces statues, cela vous rappellera donc les efforts que ces gens faisaient, leur adoration dans laquelle ils étaient, afin que vous-même vous preniez exemple sur eux. Et donc ils ont fait ce que Shaytan leur a incité de faire. Donc ils ont fait les statuettes à l'effigie de ces 5 personnes, sans les adorer. Puis cette génération est passée. Il y a des gens qui avaient fait ces statuettes. Cette génération, et une génération est arrivée et ont trouvé ces statues. Et se sont demandé pourquoi ces statues sont-elles là. C'est alors que Shaytan est arrivé en leur disant que vos ancêtres adoraient ces statues donc lorsqu'ils avaient besoin donc de quelque chose, il les invoquait et leur vouait des adorations. Et donc c'est à ce moment-là que le premier cas d'adoration a eu lieu ici-bas. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh alayhi salam pour les ramener à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc les prophètes sont suivis les uns après les autres jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et leur message est le même: le fait que les gens doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Ce qui diffère d'une religion à une autre, c'est ce que l'on appelle al-shara'ir, c'est-à-dire les législations, la manière de prier, la manière de jeûner, la manière de donner l'aumône, la manière de réciter, etc., etc. Donc ça, c'est les choses qui diffèrent d'une religion à une autre. Mais le message, la croyance est la même. La croyance est la même d'une religion à une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Al-Anbiya ikhwatun li'allat. Il dit que les prophètes sont semblables à des frères d'un même père. Et donc il y aurait des mères différentes. C'est-à-dire, dinuhum wahid, leur religion est la même et les législations sont différentes. Donc c'est tous les frères avec le même père, mais des mères différentes. Donc voilà la différence qu'il y a d'une religion à une autre. Et toute chose, toute croyance qui pourrait diverger d'une religion à une autre, cela est dû donc aux falsifications qu'il y a pu avoir dans certaines religions. Mais il faut savoir que toutes les religions, il n'est pas possible qu'un messager vienne et nous dise quelque chose sur Allah subhanahu wa ta'ala et que le messager qui suit nous dise le contraire, du fait qu'ils ont tous été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a ordonné tous les gens de l'adorer seul, sans rien lui associer. Wa khalaqahum la. Donc également, خَلَقَ النَّاسِ لِعِبَادَتِي وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آيات الذريات. ومعنى يعبدون يوحدون. معنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وإفراد الله بالعبادة. يعني أعظم ما أمر الله به التوحيد. فمن لم يأتي بالتوحيد لم يعد أو لم يعد مسلما. من لم يأتي بالتوحيد لم يأتي بالشهادتين على وجههما الصحيح. فالمؤلف رحمه الله عرف التوحيد بقوله إفراد الله بالعبادة. هناك تعريف يعني أشمل، وهو أن نقول أن التوحيد وإفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو تعريف التوحيد. فإذا عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فكذلك الشرك قد يعرض لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. قد يقع الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. Donc ensuite il nous dit que Allah donc a ordonné à tous les hommes de l'adorer seul, sans rien lui associer, et il les a créés pour cela. Allah il nous dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les démons et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Et le sens de qu'ils m'adorent, يُوَحِدُونَ, donc qu'ils l'unicifient. Car donc c'est la chose, la plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné, c'est ce que l'on appelle التوحيد, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est au-dessus de la prière, au-dessus du jeûne, au-dessus de la zakat, au-dessus du pèlerinage, au-dessus de toute chose, nous avons ce que l'on appelle at-tawhid. Donc c'est la chose la plus grande qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné, et c'est le fait donc d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. بما يدل على عظم التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد. ليس هناك صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه السنوات الطوال 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التلفظ بهذه الكلمات فقط، لما يدل على أنه أعظم شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى بعد تشريع العبادات من صلاة وصيام وزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك التوحيد، لم يترك التوحيد، بل دعا إلى التوحيد ودعا إلى العبادات المختلفة من صلاة وزكاة وصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه لم يترك التوحيد طرفة عين أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان في مرض موته قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو قريب من فراق هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك يعني يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فكما قلنا من لم يأتي بالتوحيد لم يعد أو لم يعد من المسلمين. فقلنا أن التوحيد هو حق الله تبارك وتعالى، حق الله تبارك وتعالى. Donc parmi les choses qui prouvent que التوحيد est la plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a passé 13 ans à la Mecque à appeler à cela. À l'époque, il n'y avait ni prière, ni jeûne, ni sadaqa, ni hajj, ni rien du tout. Il n'y avait que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc appelait les gens à dire la ilaha illallah, c'est-à-dire à délaisser toutes leurs adorations et à vouer leur adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ensuite, juste avant al-hijra, donc la prière fut instituée lors de Laylat al-Isra wa al-Mi'raj. Ensuite à Médine il y a eu la zakat, il y a eu le jeûne, et à la fin il y a eu le pèlerinage. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé le fait d'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même lorsqu'il y eut la prière, le jeûne, etc., il appelait à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en appelant avec donc à la prière, au jeûne et à toutes ces choses-là. Prouve cela le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers moments de sa vie, quelques jours avant de mourir, il dit à son épouse Aïcha radiallahu anha, La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées, donc comme lieu d'adoration. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, jusqu'à la fin de sa vie, il appelait donc à cette chose qui est at-tawhid. Donc il faut que le musulman, ce soit la chose la plus importante à laquelle il appelle. Il faut que ce soit la chose la plus importante à laquelle il appelle. Le prophète, il dit cela. Il dit cela à qui à la fin de sa vie? Aux musulmans qui sont avec lui à Médine. Donc il ne faut pas penser que le fait que la personne soit musulmane, qu'elle n'ait pas besoin d'apprendre la croyance musulmane, qu'elle n'ait pas besoin d'apprendre at-tawhid et la vie du quotidien nous prouve le contraire. Combien de musulmans à notre époque vouent des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sacrifient pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut que les musulmans donc réapprennent cette chose qui est le sens de la ilaha illallah. للتوحيد فضائل التوحيد فضائل فالتوحيد أكبر دعامة للترغيب في طاعة الله تبارك وتعالى. إن كنت موحدا تستطيع أن تعبد الله تبارك وتعالى وإن لم يرك أحد. التوحيد الذي هو في قلبك يعني يشجعك ويرغبك في طاعة الله تبارك وتعالى. فأنت مثلا تصلي في بيتك ولو كنت وحدك لأنك تصلي لله تبارك وتعالى، بخلاف المنافق. المنافقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون إذا رأوهم الناس، وإن لم يرهم أحد تركوا الصلاة، ولهذا كانوا يتخلفون عن صلاة الصبح وصلاة العشاء لأنهما صلاتان ليلتان، ففي الليل لا يرون أحد سواء حضر أو تخلف، ولهذا كانوا يتخلفون عن صلاة العشاء. أما الموحد الذي يؤمن بالله ويعبده وحده لا شريك له يصلي ولو كان وحده، يصوم ولو لم يره أحد. طيب ما الذي يمنعك حتى في شهر رمضان أن تفطر؟ تغلق على نفسك في بيت من بيوت بيتك وتأكل، فما الذي يمنعك؟ وهذا الخوف من الله تبارك وتعالى. دونك التوحيد دونك لونيسيتي دالله سبحانه وتعالى possède donc des vertus. Parmi ces vertus, donc, c'est la plus grande chose qui nous encourage et nous incite à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car donc, le musulman, il adore Allah même si personne ne le voit. Le musulman ne prie pas seulement lorsque les gens le voient. Même s'il est seul chez lui, il prie au moment où la prière arrive. Contrairement aux hypocrites, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne priaient que lorsque les gens les voyaient, qui ne priaient que les prières de la journée, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, et ils ne se rendaient pas à la prière de l'Aïcha ni à la prière de l'aube, car donc c'est des prières accomplies dans la nuit. Donc, c'est-à-dire que s'ils assistent ou n'assistent pas, personne ne fera attention à eux, donc ils ne venaient pas à ces deux prières. Non, le musulman, il prie que quelqu'un le voit ou que personne ne le voit. En ce qui concerne le jeûne, par exemple, nous sommes proches du mois de Ramadan, qu'est-ce qui empêche le musulman de s'enfermer dans une pièce chez lui et de ne pas manger ou bien de boire? Personne n'a peur. La crainte qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une des plus grandes choses qui encourage le musulman à l'adoration. Et plus encore, plus moins on nous voit, plus la sincérité est grande. Moins on nous voit, plus la sincérité est grande. C'est pour ça que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité de faire les prières surérogatoires à la maison. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit salatu afdalu salat al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. La meilleure prière pour l'homme est chez lui sauf les prières obligatoires. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais la prière surérogatoire seul chez toi, personne ne te voit à part Allah subhanahu wa ta'ala. La prière de la nuit également. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a vanté les mérites de ceux qui prient la nuit, la prière nocturne? À cause de cela, le fait que personne ne les voit à part Allah. Pareil pour un don. Tu fais un don, personne ne sait que tu as fait ce don à part Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, si vous donnez fi sabilillah, donc devant tout le monde, c'est une bonne chose. Mais si vous cachez cela, cela est encore mieux pour vous. Parmi également les sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah yawm al-qiyamah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Il y aura un homme qui aura donné un don d'une manière tellement discrète que sa main gauche ne sait pas ce qu'a donné sa main droite. Et il sera yawm al-qiyamah sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jalla. كذلك من فضائل التوحيد أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم هنا الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه؟ كل منا وقع يوم من الأيام في الظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمع إلى ما قاله العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا هو الشرك. الذي لا يقع في الشرك وعمل بالتوحيد لهم الأمن يوم القيامة والهدى لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك التوحيد يكفر الذنوب. يكفر الذنوب. فحسنات التوحيد عظيمة جدا. يعني ذكرنا حديث معاذ أن الله تبارك وتعالى من حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. يعني مثل الأرض خطايا. يعني خطأ نعم يا كل هذا الحديث عام. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأتيتك بقرابها مغفرة. Donc également parmi les vertus de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que celui qui unifie Allah obtiendra donc la sécurité et la guidée يوم القيامة. Ou bien même dans ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran أولئك لهم الأمن ou bien الذين آمنوا ceux qui ont cru et n'ont pas commis d'injustice ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ils obtiendront la sécurité et seront guidés. Les compagnons رضي الله عنهم sont alors partis voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui ont dit ô messager d'Allah من منا لم يظلم نفسه. Qui d'entre nous n'a jamais commis d'injustice contre sa propre personne par les péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit que ils avaient mal compris ce verset et qu'il fallait donc revenir au verset de surat Luqman où Luqman il dit inna ash-shirka la dhulmun 'azim ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Ô mon fils, n'associe rien à Allah car l'association est certes une grande injustice. Donc Allah a voulu dire dans surat Al-An'am, donc ceux qui ont cru et n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala obtiendront la sécurité et seront guidés. Également, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est cause de pardon des péchés. Allah dit dans le hadith Al-Qudsi, le hadith divin, Yabn Adam, ô fils de Adam, لو أتيتني si tu viens يوم القيامة بقراب الأرض خطايا avec beaucoup de péchés ou bien une quantité de péchés grande comme la surface de la terre, c'est-à-dire un très grand nombre de péchés. ثُمَّ أَتَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا. Mais avec ces péchés, tu ne m'as rien associé. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرًا. C'est-à-dire, je te donnerai en échange toute la terre, ou bien un pardon semblable à la surface de la terre. Ce qui prouve la grande valeur de التوحيد. Et on a vu également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Mu'adh, il nous dit que le droit des serviteurs envers Allah, qu'il ne châtie pas quelqu'un ne lui ayant rien associé. كذلك التوحيد سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه عرضت عليه الأمم, رأى أمام الأنبياء, فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرهط يعني جماعة, والنبي ومعه رجلون ورجلان, والنبي وليس معه أحد. يوم القيامة يأتي بعض الأنبياء ليس معهم أحد, هم أرسلوا إلى أقوام دعوهم وصبروا معهم ولكن مع الأسف لم يتبعهم أحد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما فظن أنه قومه, فقيل له هذا موسى وقومه, ثم رفع له سوادا أو سواد أعظم من الأول, فقيل له هذه أمتك, هذه أمتك, ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فمكث الصحابة رضي الله عنهم أن يدكون الليلة ويعني يحاولون أن يعرفوا من هؤلاء 70 ومن هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فأخبره الصحابة بالذي تبادر إلى أذهانهم, أنهم الذين ولدوا في الإسلام وأنهم الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا صحابته بالذي تبادر إلى أذهانهم أن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم أنهم الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هم الذين حققوا التوحيد، حققوا التوحيد. فقام رجل اسمه عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. ونكمل الأسبوع القادم. صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.